La programmation dicte tout le reste. Bien qu'une personne ne veuille pas vivre une expérience, soit que le processus de conscientisation de l'ego passe par l'expérience, cette expérience-là devient donc inévitable. Très peu de gens peuvent concevoir que l'expérience vécue et la souffrance qui se dégage dans l'expérience est la seule manière pour l'ego d'évoluer. Cette constatation est difficile à accepter car l'ego n'a pas souvent les clés et les lois lui permettant de transcender une forme rapidement. C'est pour cela que l'expérience et la reformulation de cette expérience d'une autre forme, bien qu'elle serve encore à la même conscientisation de l'ego face à sa réalité dans sa personnalité, est ce qui un jour donne à l'esprit, dans l'homme et dans son ego, suffisamment de puissance pour en arrêter le processus d'astralisation de sa conscience, d'une forme sur son ego. Il est établi, selon les forces, que l'individu n'a pas le choix de vivre sa programmation telle qu'elle a été établie. Est-ce que l'ego peut se libérer de cette programmation en étant un gestionnaire beaucoup plus averti et conscient des pièges de sa personnalité sur son ego? La réponse est certainement oui. Mais avant que l'ego comprenne l'ensemble du processus qui agit en lui à travers sa personnalité, car cette personnalité est soumise à des mémoires en lien avec une vie d'âme passée, et cela rend la personne souvent inapte à percevoir quel est l'enjeu d'une programmation pouvant le mener un jour à être plus libre dans celle-ci. L'évolution de l'ego prend du temps et la transmutation de certaines formes, soit des grandes failles que l'ego possède, a besoin d'expérience pour transmuter le degré émotif de sa conscience, car pour générer de la puissance, l'ego doit être dans une expérience totalement froide. L'émotivité qui se dégage dans l'ego au cours d'une expérience qui est dictée par la programmation va dégager de la souffrance, cela est inévitable. Mais une souffrance éclairée de l'esprit ne permet pas à l'ego de rester passif devant la réalité de sa programmation, car cela l'oblige à pouvoir pousser son introspection beaucoup plus loin en lien avec la personnalité qui le mène à agir d'une certaine façon. Vibratoirement, l'homme n'a pas à faire aucun effort pour comprendre la vie. S'il est en étude de sa programmation, il verra très bien que celle-ci l'amène toujours vers la brisure totale ou une cassure qu'il doit faire en lien avec le passé et la nature émotive de son ego qui se nourrit de la personnalité pour le rendre inapte à gérer parfaitement les décisions qu'il doit prendre pour gérer sa vie. L'expérience est toujours orchestrée à partir des plans et souvent n'offre aucune possibilité de protection pour l'ego ou l'homme, car cette expérience doit être vécue jusqu'à ce que l'ego soit consumé dans sa vibration astrale et qu'il en arrive à savoir parfaitement qu'il ne peut rien décider tant qu'il n'a pas acquis suffisamment d'expérience pour comprendre totalement la faille qu'il habite. Autrement dit, une personne doit vivre la programmation qui est établie, mais dans cette programmation, il y a toujours un plan d'évolution quelconque pour l'ego, et c'est ce plan d'évolution que l'homme doit attirer à sa conscience ou amener à sa conscience pour ne plus vivre dans une contestation astrale la réalité de sa programmation. L'homme n'a pas à faire d'efforts pour être intelligent. Il doit être seulement dans son centre de gravité afin de comprendre que la programmation orchestrée des plans est nécessaire pour lui permettre d'acquérir de l'expérience, car sans cela, l'homme s'éviterait ses expériences et il s'éviterait ces expériences-là intellectuellement, car l'homme, en gros, ne veut pas souffrir et cela est naturel. Mais comme il est établi, à partir des plans d'intelligence, que la souffrance est un principe intelligent pour la lumière, bien que l'homme le contestera toute sa vie, ce principe, il n'en demeure pas moins que la transmutation d'une réalité passe inévitablement par une compréhension parfaite de la souffrance vécue en lien avec cette même réalité. Plus l'ego a de l'expérience pour traiter avec la faille qui l'habite, car l'homme a toujours une faille majeure l'habitant, et cette faille est nourrie par de la personnalité, cette personnalité également cachée qu'il ne voit pas, et cela peut être facilement de l'orgueil, cela peut être de la bravade, ou encore cela peut être un sentiment de supériorité. Faire en sorte que l'évolution de l'ego est difficile, car pour détruire ou désamorcer dans sa conscience les entrées de l'esprit qui est noué au monde de la mort par l'entité maîtresse, soit que le monde de la mort sert énormément à l'émotivité de l'ego, car si l'homme n'avait pas cette émotivité-là, il serait trop froid devant la vie, et s'il n'est pas prêt à être froid devant la vie, cela veut dire qu'il doit être en fusion. Et s'il n'est pas en fusion, il aura énormément de difficultés à vivre sa vie, car l'émotivité le sert à transcender certaines formes en lien avec la beauté qui se vit présentement sur la Terre, soit que celle-ci est souvent jumelée à une expérience de vie ne permettant pas à l'ego de déjouer le plan de la mort et d'être totalement immortel. En ce sens, le fait que la programmation dicte tout le reste fait en sorte que la conscientisation de l'ego se fera lentement et permettra, avec les années, à l'ego de pouvoir être en parfaite communion avec l'esprit pour savoir si cet esprit en lui se nourrit de mémoire et de pensées astralisées pour lui faire vivre l'impression d'une vie planétaire, alors que l'esprit dans la lumière n'a que pour but d'éclairer l'homme dans la vibration de ce qu'il est. Donc, il ne se sert en aucun temps des expériences passées de l'ego en lien avec l'âme pour permettre à l'ego de connaître les lois de la vie. Si l'homme connaissait les lois de la vie, cela lui permettrait d'avoir une meilleure compréhension de ce que sa programmation lui dit afin de devenir dans sa propre conscience une personne davantage libre des plans invisibles. L'énergie de l'expérience qui pénètre l'ego provient essentiellement dans la programmation des plans de la mort, c'est-à-dire que l'esprit est jumelé au monde de la mort et à des entités, soit une entité maîtresse, qui générera dans la conscience de l'ego de la réflexion. Cette réflexion-là fait partie des pensées astrales de l'ego qui pourrait, par exemple, avoir l'impression que sa vie fonctionne très bien, car cela permet un équilibre temporaire, jusqu'à ce que la faille essentielle de l'ego arrive et fracasse cet ego dans sa personnalité, soit que la personnalité étant le talent de l'ego au niveau de la capacité de gérer sa vie, mais cela n'est en aucun temps de l'esprit éclairé par la lumière du double, parce que l'esprit dans l'homme doit être jumelé à de la lumière pour pouvoir se sortir de sa programmation éventuelle. Tant que l'homme n'est pas totalement éclairé par l'esprit de la lumière, il est en sorte jumelé à une intelligence moindre qui permet à la personnalité de s'exécuter dans son talent. C'est donc dire que l'homme n'a que très peu de puissance sur sa vie tant qu'il n'est pas capable de comprendre parfaitement sa programmation. Et lorsque l'homme comprend sa programmation, il verra qu'il y a une faille fondamentale qu'il doit régler dans sa vie pour être mieux dans sa peau. Cela ne veut pas dire que l'ego n'est pas bien dans sa peau. Cela veut simplement dire que l'immortalité de l'homme ou la conscientisation de l'homme à un autre niveau ne dépend pas de lui, mais dépend de la capacité vibratoire de l'ego dans cette vie à se rapprocher des plans invisibles pour en assurer son évolution et sa fusion avec sa propre lumière. Toutes les expériences qui sont liées à la programmation de l'homme dans son ego font en sorte que l'ego n'a pas le choix de vivre ces expériences. Et plus l'homme est vibratoire, plus les expériences seront difficiles, car psychiquement, ses corps doivent être élevés en vibration, puisque le corps émotionnel de l'homme doit être transmuté à une valeur quantique qui permettra un jour à l'homme d'être totalement supramental, soit que l'énergie de la réflexion sera impossible dans l'émotivité, bien que l'homme vive une expérience difficile, il ne pourra pas la réfléchir et il sera totalement obligé de regarder cette expérience selon l'esprit de la lumière et non l'esprit de ses craintes qui sont jumelées au monde de la mort. À quel moment l'ego en arrive-t-il à percevoir qu'il a suffisamment d'expérimentation ou d'expertise dans son mental pour ne plus être assujetti à sa programmation? Cette brisure ou cette cassure avec la programmation, il la sentira, car elle le forcera à vivre à répétition, dans un cadre suffisamment rapide, les mêmes expériences pour régler fondamentalement ce qu'il vit. Cela veut aussi dire que le mental d'un homme a été suffisamment ajusté pour qu'il ne sombre pas dans l'arrachement final de sa destinée cosmique, soit que l'ego, éclairé de l'esprit de la lumière, est dans l'homme la seule liberté que l'homme peut vivre dans sa programmation, car la programmation établie avant même l'incarnation de l'homme dans la matière, par les plans de la lumière, fait en sorte qu'elle assure le plus haut plan d'évolution possible à une conscience, permettant du coup au monde de la lumière d'avancer sur la planète Terre leur propre lumière. Soit que l'homme ne peut pas ignorer que les plans invisibles veulent fusionner avec lui. Et si l'homme savait que les plans invisibles entendent fusionner avec lui d'une manière très rapide, il est bien entendu que l'ego doit avoir parcouru l'essence même de toute sa programmation et connaître sa plus grande faille pour y mettre un terme. Quelle est cette grande faille dans une programmation que l'ego doit abattre? Elle est toujours reliée à sa personnalité. Soit que la personnalité, c'est l'esprit de l'âme, soit c'est le monde de la mort, c'est la mémoire de vie passée qui ont fait en sorte que l'ego a toujours pris les mêmes décisions, car celles-ci étaient liées à de l'émotivité, lui permettant de se balancer dans la matière. Mais lorsque l'ego arrive dans une vie beaucoup plus ajustée face à la réalité de comprendre sa programmation parfaitement, il est davantage éclairé par l'esprit de la lumière ou du double en lui, ce qui fait en sorte qu'il ne peut plus se compter de mensonges. En ne pouvant plus se compter de mensonges, il vit de grandes souffrances psychiques lié à ce qu'il a été dans le passé, parce que la mort de son vieil ego doit être totale, soit que la personnalité doit être remplacée par de la personne pouvant être dans l'homme sa nature cosmique, soit son identité cosmique. Et une identité cosmique, c'est relié à quoi? C'est relié à la présence assurée et totale de l'esprit dans la programmation. Soit que l'homme ne peut plus être sorti dans une expérience qu'il vivra dans la matière par l'esprit de son lien avec le monde de la mort. Soit que l'homme est en mesure, à ce temps, dans un nouvel esprit, soit l'esprit de la lumière, de décoder parfaitement toutes les expériences qui sont jumelées à sa programmation. Et c'est ceci, finalement, qui lui permet de vivre tout ce qui lui arrivera d'une neutralité totalement froide. Pour que l'esprit soit intact dans la matière ou pour que le mental de l'homme soit totalement neutre et froid, il y a énormément d'expériences qui ont à être vécues dans l'ego pour qu'il comprenne que la lumière décide de tout et que fera tout en son possible pour assurer dans l'homme la conquête indivisible de l'esprit de la lumière en lui pour qu'il quitte à jamais le monde de la mort et qu'il n'appartienne plus aux lois karmiques de l'âme de la vie planétaire. La qualité vibratoire et frappante de l'esprit dans l'homme requiert à l'homme de savoir de quoi il est constitué. Et si l'ego n'est pas capable de prendre le taureau par les cornes et d'établir quelle doit être sa destinée cosmique, il ne peut pas non plus être libre dans sa programmation. Pour être libre dans sa programmation, la puissance de l'ego à s'amener à une réelle conquête des lois de la vie exige de sa part de la neutralité et de la voyance. La voyance acquise vient du fait que l'homme a une compréhension parfaite d'une programmation. Ceci l'amène alors à ne plus être en attente ou espérer quoi que ce soit des plans invisibles, pour le servir dans l'évolution de sa conscience, car c'est à lui de savoir que la programmation qu'il doit vivre est jumelée d'expériences qui doit être gérée parfaitement. La vie ne peut pas être réfléchie, et c'est pour cela que la programmation permet la réflexion, car elle pousse l'ego à se sortir un jour de cette programmation par la gestion parfaite de sa lumière en lien avec l'expérience qu'il a à vivre. Si la lumière n'est pas présente dans l'expérience, cela veut dire qu'il y a souffrance et que l'esprit dans l'homme est lié au monde de la mort et non à de la lumière. Car aussitôt que l'esprit de la lumière est dans l'homme et dans son ego, il n'y a pas de personnalité dans cette réalité, il n'y a simplement que la vibration de l'être avec sa personne qui est, elle, instruite de la réalité d'une expérience sur le tard. En ce sens, toute l'émotivité que peut vivre l'ego dans sa programmation le sert jusqu'à ce que cette émotivité ne lui permette plus d'avoir une conscience claire de sa propre vie. C'est alors que l'expérience amènera l'ego à être davantage froid pour que l'émotivité s'évapore et s'évacue parce que l'ego est rendu à un stade de fusion plus grand avec l'esprit de la lumière pour entrer dans une nouvelle conquête de sa liberté qui est en lien avec son indivisibilité pour connaître ce que c'est de la lumière parfaitement. Il n'y a aucune expérience qui n'est pas orchestrée pour amener l'individu à acquérir de l'expérience en lien avec sa plus grande faille. Cette faille étant dessinée de manière à ce que l'ego ne puisse pas passer à côté. Et s'il doit régler celle-ci dans cette vie, il n'aura pas le choix de maintenir une vibration olympique de sa conscience, car l'événement ciel, jumelé à l'expérience de dépasser cette grande faille, le poussera toujours à de la contestation, mais aussi à une compréhension de sa programmation. C'est l'équilibre entre cette contestation de sa programmation et la compréhension de celle-ci qui fait en sorte que l'ego acquiert énormément de maturité et c'est ce qui permet aussi à l'ego de se dégager éventuellement de l'émotivité d'une expérience pour être davantage froid devant celle-ci. Les forces de la lumière peuvent casser un ego de toutes les manières et cela est très facile pour eux car ils connaissent les grandes failles de l'homme et ils connaissent parfaitement sa personnalité, soit que toutes les mémoires qui sont liées à la vie de l'ego, qui le retient dans le monde de la mort, sont connues de la lumière. Et c'est pour cela qu'ils utilisent l'esprit dans l'homme, en lien avec le monde de la mort, pour s'assurer qu'à travers des expériences, l'homme vive la souffrance et qu'il puisse par la suite comprendre mieux son expérience avec sa vie présente. Sans la programmation, il n'y aurait aucune évolution. Sans la programmation, l'ego aurait l'impression qu'il choisit ses expériences, alors qu'en fait, ces expériences-là sont déjà décidées depuis des années et ils établissent que lorsque l'ego a suffisamment d'expérience pour vivre sa réalité et sa programmation, il se rapproche indirectement de l'esprit de sa lumière, soit que le double doit fusionner avec lui pour qu'il ne connaisse plus la souffrance telle qu'il la connaissait jadis. L'énergie qui doit pénétrer l'homme ne dépend pas de lui. Elle le pénètre parce que l'homme est amené dans sa programmation à intégrer et à percevoir cette énergie. Ne choisis pas qui veut sa programmation ou qui peut sa programmation, car la programmation est dictée par les lois de la lumière pour assurer à l'ego que sa volonté éventuelle devienne pour lui et pour l'homme sa liberté. Soit que la seule façon qu'une personne peut mettre un terme à une expérience, c'est de la vivre et de la vivre et encore de la vivre, jusqu'à ce que l'émotivité dans cette expérience-là soit épurée suffisamment pour qu'elle ne génère plus dans sa conscience de souffrance. Est-ce qu'un ego peut se protéger dans sa programmation de vivre suffisamment de souffrance? Cela a été possible selon la capacité vibratoire de l'esprit de la lumière à le pénétrer, car l'homme ne peut pas arrêter son évolution. Il y a bien entendu des personnes qui voudront se suicider, car leur programmation est étonnamment difficile, mais cela veut aussi dire qu'ils n'ont pas conscience de qu'est-ce que veut dire une programmation, car ils ne sont pas conscients de ce que veut dire la lumière. L'homme dans la lumière ne se suicide pas. L'homme, dans son lien avec l'astral, peut se suicider parce qu'il n'est pas apte à s'éclairer lui-même de sa propre lumière dans la vie et dans la matière. Le mental de l'homme est fait de trois choses. Il est fait de réflexion, il est fait de froideur et il est fait de neutralité. Lorsque la réflexion est présente, cela veut dire que l'ego est jumelé au monde de la mort, alors que lorsque la froideur commence à s'établir dans l'ego, cela veut dire que l'ego a suffisamment d'expérience pour commencer à comprendre sa programmation. Et lorsqu'il la comprend parfaitement, cela veut dire qu'il est totalement dans la neutralité de l'expérience, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de la souffrance psychique pour intégrer une expérience, car il est suffisamment froid et présent dans l'esprit de sa lumière pour générer dans sa capacité de dompter la vie suffisamment de volonté, de colère et d'intelligence pour rester libre malgré l'expérience. C'est comme si une expérience arrivait et que l'homme disait « Ah, voilà, c'est cela, cette expérience ne sert qu'à une réalité, à venir confirmer que je suis totalement froid et neutre dans mon mental par rapport à une expérience. » L'homme ne peut pas se conter d'histoire, mais dans la personnalité, il arrive souvent à l'homme de croire qu'il est froid ou neutre, alors qu'en réalité, il vit certaines émotions par rapport à une expérience, et il se dit tout simplement qu'il n'est pas affecté par cette réalité, et cela peut être réel, car l'intellect peut soustraire l'ego dans une personnalité forte d'une expérience et de simplement considérer que celle-ci ne l'atteint pas. Mais que cet ego n'est pas prêt pour subir le choc de sa lumière et subir le choc de sa programmation en lien avec une faille. Combien de personnes sur la planète Terre vivent le choc de leur lumière? Le pourcentage est très minime. Il y a possiblement, dans les personnes qui cheminent dans la conscience supramentale, à peine quelques personnes pouvant saisir que dans la programmation, c'est d'abord une isolation totale de la conscience de l'homme à de la lumière s'il doit vivre cette lumière. Alors que de la programmation, au niveau d'une conscience qui ne peut pas être en lien avec sa lumière, c'est simplement une possibilité pour l'âme d'acquérir suffisamment d'expérience pour un jour connaître ce que veut dire de l'esprit. Il y a présentement sur la Terre très peu d'hommes et de femmes qui peuvent vivre la contestation absolue de la programmation, car ils ne sont pas suffisamment dans leur intelligence aptes à saisir ce que veut dire l'intégration parfaite de sa lumière dans la programmation. Et pour que l'intégration parfaite de sa programmation génère dans l'homme suffisamment de gestion et de vibration éclairée par la voyance de l'ego à saisir totalement sa personnalité et ce que veut dire de l'astralité dans son mental, il y a dans cette force de pénétration l'habitation de la lumière dans l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme, c'est l'esprit de la lumière. L'esprit de la lumière, c'est le double, c'est l'ego unifié à sa propre conscience cosmique qui peut lui permettre par la suite de s'éclairer lui-même de la vie et de sa programmation sans la subir. Il y a de nombreuses expériences qui servent simplement à permettre à l'ego de se réfléchir jusqu'à ce qu'il soit prêt pour subir un choc vibratoire. Et lorsque l'ego subit un choc vibratoire, il est obligé de réaliser que peut-être il n'était pas rendu où il se devait, et il a nécessairement à regarder le degré d'émotivité qu'il y a dans son mental, car s'il ne regarde pas cette émotivité qu'il y a dans son mental, cela voudra dire qu'il n'est pas dans l'esprit de sa lumière, mais bien dans l'esprit de sa personnalité en lien avec le monde de la mort, pour générer encore dans sa conscience de l'orgueil, de la réflexion, ou quelconque émotivité lui permettant de croire qu'il est au-dessus de la forme, alors que finalement, il n'est pas arrivé encore vibratoirement suffisamment près de la réalité de dépasser cette grande faille qu'il habite. L'homme ne vit pas au début de sa vie cette grande faille, car s'il la vivait au début de sa vie, il n'aurait pas l'expérience nécessaire pour vivre celle-ci d'une manière intelligente. Et c'est pour cela donc que la programmation est totalement décidée par les plans, et que les plans de la lumière savent À quel moment dans votre vie l'ego en vous sera prêt pour être confronté finalement à la réalité de sa propre lumière pour que celle-ci l'habite totalement? En conclusion, la programmation dicte donc tout le reste, soit que le processus de la conciliation de l'ego, en lien avec son expérience planétaire et en lien avec l'intégration de sa lumière, ne dépend pas de lui, mais dépend de la capacité de l'ego à être unifié à de la neutralité et du savoir pour finaliser sa plus grande faille lorsqu'il en est totalement scient et aussi totalement apte à gérer sa lumière afin que celle-ci ne soit plus réfléchie d'aucune façon par le monde de la mort sur sa conscience. Le corridor parfait entre la lumière et l'homme repose sur ceci, soit que l'homme est scient de sa lumière, soit aussi qu'il est totalement conscient que les forces de la lumière en lui veulent fusionner à sa conscience seulement lorsqu'il est capable de ne plus réfléchir d'aucune façon sa propre lumière. Et comment l'homme sait qu'il ne réfléchit plus sa propre lumière? Il le sait lorsqu'il n'y a plus aucune réalité dans sa vie personnelle qui le place en dessous de l'expérience. C'est donc dire qu'il est au-dessus de l'expérience, car il est capable énergétiquement de saisir dans une voyance absolue que tout ce qui arrive dans sa vie personnelle ne lui appartient pas nécessairement, car cela fait partie de la cosmogénie des plans à s'unifier à sa conscience pour qu'il ne vive plus de crainte et d'opposition dans sa tête face à la vie. Soit que l'homme est libre de la vie et qu'il peut manifestement se rapprocher de l'immortalité de sa conscience en fusion. Et c'est cela qui donne à l'homme l'assurance cosmique de son devenir, qu'il n'a plus à être jumelé à de la souffrance, donc à l'esprit du monde de la mort qui utilise de la mémoire et de la personnalité pour le définir. L'homme se définit alors à partir de ce qu'il sait de lui-même et surtout de l'assurance qu'il est au-dessus de sa programmation et que celle-ci ne lui dicte rien car il ne la subit plus pour être libre. Afin d'en arriver à cette fusion parfaite, il est reconnu que l'homme ne se compte plus de mensonges et qu'il est capable d'inverser toute forme d'énergie d'une expérience par de l'intelligence et de la voyance. La voyance lui permettant alors de saisir l'enjeu total d'une vie planétaire sans avoir à vivre de l'expérience. Soit que l'expérience n'est plus une réalité de saturation pour l'ego, mais bien que la vie suit son cours et que ce qui arrive soit que l'événementiel se produit sans que l'homme n'ait à réfléchir ou à penser à quoi que ce soit. Incidemment, l'homme reste libre, il reste dans l'esprit de sa lumière et il est capable de générer de la puissance pour s'opposer totalement à toute astralité pouvant l'assujettir à une possibilité d'émotivité en fonction d'une transmutation éventuelle. L'homme n'a plus à transmuter son corps émotif, car ce corps émotif a été élevé suffisamment à un niveau de vie lui permettant de savoir que tout ce qui se trame dans le monde de l'invisible, en lien avec un ego immortel, relève simplement de la capacité de l'homme à se savoir immortel. Soit qu'il n'a pas à se servir du monde de la mort pour égayer sa vie dans la matière, il se sert plutôt de la beauté des éthers pour être dans sa conscience, dans une grandeur réelle qui lui permettra de ne plus servir les corridors de l'expérience, de sa programmation pour vivre sa vie. Cosmiquement, l'homme devient donc un gestionnaire parfait de sa programmation du moment qu'il peut, dans une qualité vibratoire frappante, acquérir suffisamment de voyance pour ne plus jamais être assujetti à toute forme de la matière. C'est donc dire que la souffrance n'est plus et que l'ego a la capacité d'être intelligent tout le temps, car sa vibration est cosmique et sa nature est aussi équivalente en vibration à la force de la lumière atomique permettant à l'homme d'être un jour le créateur de sa propre vie. Cette vie étant de lui permettre d'être immortel et totalement libre pour reconnaître en tout temps sa propre lumière et l'intégrer, cette lumière, sans qu'elle ne l'amène à déséquilibrer ses corps. Pour être cosmique, l'homme doit être vibratoirement fait de lumière. Il ne doit plus y avoir de réflexion. Il ne doit plus y avoir dans son mental de mémoire jumelée à de l'émotivité, car cela veut dire qu'il est toujours dans sa programmation et que celle-ci dicte tout le reste de sa vie jusqu'à ce qu'il soit apte à être au-dessus de cette programmation. Pour la gérer parfaitement, il est très dur pour l'homme de prendre une décision froide si l'expérience de vie qui est liée à sa faille n'est pas amenée à un apex de confrontation. L'homme doit s'amener à un apex de confrontation avec ses failles en étant conscient que de la programmation, c'est inévitable et qu'il doit la comprendre celle-ci pour ensuite pouvoir la dépasser et la gérer.